Le Gabon, par le docteur Griffon du Bellay, médecin de la marine, 1861-1864. Chapitre 1er. Il y a 22 ans, trois navires français débarquaient sur la plage du Gabon quelques hommes d'infanterie de marine, des ouvriers et le matériel nécessaire pour la création d'un poste fortifié. Des négociations ouvertes l'année précédente avec les chefs du pays par le commandant Bouet-Villemet, aujourd'hui vice-amiral, avait préparé les bois et ce fut sans difficulté que M. le capitaine de corvée de Montléon prit possession au nom de la France, de la baie du Gabon et de la région baignée par ses nombreux affluents. Pour que la francisation fût plus complète, on débaptisa les points les plus remarquables et suivant un usage qui fait trop bon marché de l'instabilité des choses humaines, on échangea les appellations indigènes contre les noms des membres de la famille d'Orléans qui régnait alors, transformation que d'ailleurs l'usage ne ratifia pas et dont on ne trouve de traces que dans les cartes dressées à cette époque. Un fort fut construit et bientôt, par suite du départ des navires, la petite colonie se trouva dans l'isolement le plus complet, à 1800 lieues de la mère patrie et au milieu de peuplades presque complètement inconnues. Elle ne venait point fonder un établissement agricole. Le pays qui l'entourait étalait aux yeux la plus luxuriante végétation, mais il était facile de voir que les indigènes n'étaient pas disposés à profiter de cette munificence de la nature. Quant à cultiver eux-mêmes, les Européens n'y pouvaient pas songer. Le soleil dardait ses rayons d'aplomb sur leur tête, car ils n'étaient qu'à une douzaine de lieues du point où la ligne équatoriale coupe le globe en deux hémisphères. Sous une pareille latitude, le travail de la terre est mortel à notre race. Il n'y avait pas là non plus à protéger de grands intérêts commerciaux. Il naissait à peine alors sous l'impulsion de quelques maisons de Bordeaux et de Marseille. Favoriser leur développement et sauvegarder la sécurité de notre étang était bien la mission de notre nouvel établissement, mais non pas sa mission principale. Son but paraît avoir été avant tout d'assurer à la marine française la possession de la rade la plus sûre de toute cette côte et de supprimer du même coup un foyer de traite qui avait acquis récemment une certaine importance. C'était en effet l'époque où s'agitait cette grande question de la répression de la traite des Noirs, déjà bien loin de nous, et qui, grâce à la question subsidiaire et si irritante du droit de visite, avait occasionné à la France une crise politique dont elle n'était pas encore complètement sortie. Strict observateur des traités conclus avec l'Angleterre, notre pays entretenait alors à la côte occidentale d'Afrique une escadre de 26 navires qui battaient incessamment la mer et fouillaient une à une les baies et les rivières. Ces navires étaient petits. C'étaient des briques et des goélettes d'un faible tirant d'eau, d'une capacité médiocre, et dont l'approvisionnement en vivres était promptement épuisé. Plus d'un, parti de Gorée, chargé d'une mission exploratrice, se traînait péniblement le long de la côte, n'ayant pour moteur que des vents incertains. Et quand il avait parcouru les 800 lieues qui séparent Gorée du Gabon, il était fort heureux de trouver une rade sûre pour se réparer et des magasins pour se ravitailler. Ce fut là le service le plus réel que rendit la création de cet établissement. Aujourd'hui même, que son commerce a pris un peu plus d'extension, ce sont encore ses avantages maritimes qui donnent à ce point toute son importance et notre escadre en a fait depuis quelques années son centre de station. La baie où nous sommes établis, d'une profondeur de 30 000 environ et de 7 000 de largeur à son entrée, s'ouvre à 30 minutes nord de l'équateur et par 7 degrés de longitude est. Elle forme le fond d'un petit bassin hydrologique, limité à l'est par une chaîne de montagnes que les Portugais ont nommée la Sierra del Cristal et d'où émergent plusieurs rivières. Au sud et à l'est, ce bassin est contourné par un cours d'eau d'une plus grande importance, l'Ogowai, qui se jette à la mer par plusieurs embouchures, comprenant dans leur écartement une pointe bien connue des négriers, le Cap Lopez. Bien que la possession de ces rivières et de la région qu'elles arrosent nous soit assurée par des traités, notre établissement y est plutôt nominal qu'effectif. La seule partie réellement occupée et vraiment importante, quant à présent, c'est la baie elle-même. Là se trouve le comptoir fortifié, les principaux centres de population, l'important établissement de la mission française, et enfin le village de glace, que domine la mission américaine et qui est devenu, entre les mains de commerçants étrangers et surtout anglais, un centre d'affaires assez considérable. Dans cette rade profonde et sûre stationnent constamment quelques navires de la division. Un petit nombre de navires de commerce anglais ou américains, des Français plus rares encore, quelques goélettes chargées du trafic des rivières, et enfin des pirogues montées par des Noirs qui règlent par des chants monotones les mouvements de leurs pagaies, parcourent cette immense nappe d'eau, mais sans réussir à l'animer. Cette absence de vie et de mouvement affecte péniblement les Européens, presque tous au service de l'État, que leur mauvaise étoile a conduit dans ce pays et ne fait que rendre plus attristant le sentiment de leur propre isolement. La vie des hommes qui se vouent au service des lointaines possessions de la France est ainsi faite et pleine de rigoureuses épreuves. Ce n'est pas que le Gabon soit triste par lui-même. Si le mouvement lui manque, du moins la nature y est belle. Elle est belle surtout pour les gens qui y arrivent après avoir longé la côte. Leurs yeux ont été attristés par la stérilité proverbiale de la plage africaine, car la végétation y est rare à ce point qu'il est-elle partie de cette côte sablonneuse où la présence d'un arbre unique dans la contrée devient un repère précieux pour les navigateurs. Dans la baie du Gabon, au contraire, la végétation descend jusqu'au bord de la mer et les villages que l'on aperçoit du large paraissent cachés dans un nid de verdure. Le relief général des terres est peu accentué. Au nord, pourtant, un monticule assez élevé, le mont Bouet, domine la rive droite. Au sud, quelques mornes plus déprimées rompent l'uniformité de l'horizon et servent comme lui d'amer au navire. Au milieu de la baie, la pointe Ovendo, les îles du Koniquet et des Perroquets semblent surgir de l'eau comme d'énormes bouquets de verdure. Au fond et sur les côtés, de longs rideaux de palétuviers trahissent la présence de terrains marécageux. Partout, enfin, croît une abondante végétation que dominent d'immenses fromagers et de grands stapodéas, connus sous le nom de tulipiers du Gabon, qui se couvrent deux fois par an d'une riche moisson de fleurs orangées. Tout cela donne à cette baie un aspect qui séduirait s'il était plus vivant. Mais ce n'est qu'un tableau de nature morte ou, peu s'en faut, richement encadré. Dans quelques coins de ce tableau, un peu de vie s'est pourtant réfugiée, à glace, autour de deux ou trois factories, et surtout à l'établissement français. C'est là que réside le commandant particulier placé sous l'autorité supérieure du chef d'escadre. Autour de lui sont groupés les bureaux, les magasins, les ateliers, tout ce qui constitue enfin un établissement maritime au petit pied. Près de lui vivent, sous son égide, quelques factoreries françaises, une maison d'éducation tenue par des religieuses de Castres, et enfin Libreville, village qui a été fondé en 1849 avec des Noirs du Congo, provenant d'un négrier récemment capturé. Une petite garnison de soldats noirs, empruntée au bataillon de tirailleurs sénégalais, est là pour appuyer l'autorité du commandant. Mais les indigènes songent si peu à la contester qu'il suffirait pour la faire respecter de la garnison que Bachaumont trouva jadis à Notre-Dame de la Garde, un Suisse avec sa hallebarde peint sur la porte du château. Tel est l'établissement que la France possède sur cette côte et dont la plupart de nos compatriotes ignorent même l'existence. Fondé pour servir d'appui à notre marine de guerre et pour favoriser les essais d'un commerce qui a prospéré assez bien entre les mains des Anglais, mais qui est resté dans les nôtres timide ou malheureux, ce n'est pas la faute du gouvernement si son but militaire a seul été rempli et si la protection de notre pavillon n'a guère à couvrir que des intérêts étrangers. La région gabonaise, coupée par la ligne équatoriale, correspond exactement à celle des grands lacs parcourus par Speke et Burton sur la côte orientale et d'où sortent les principales sources du Nil. Comme cette région aujourd'hui si célèbre, c'est un pays de chaleur et de grandes pluies. Quand j'y arrivais au commencement de septembre 1861, la belle saison finissait. La chaleur n'était pas excessive, elle était tempérée le soir par des brises de mer. Les nuits étaient fraîches sans humidité. C'était un état très supportable, le plus difficile pouvait s'en accommoder. Mais malheureusement, cette belle saison durait déjà depuis 3 mois et le retour des pluies était annoncé pour le 15 septembre. Avec une singulière régularité qui ne se démentit pas pendant 3 années consécutives, elles arrivèrent à jour fixe. Fines d'abord et peu abondantes, elles durèrent jusque dans les premiers jours de janvier. Puis elles cessèrent pendant 6 semaines environ, période connue dans le pays sous le nom de petite saison sèche, et qui, pour n'être pas pluvieuse en effet, n'en est pas moins humide, lourde à supporter et féconde en maladies graves. Après ce temps d'arrêt, elles recommencèrent, tombant par torrents, accompagnées d'interminables et magnifiques orages, et exerçant sur la santé les plus déplorables effets. Après quoi, 3 mois de sécheresse vinrent pomper jusqu'à la dernière goutte cette cataracte annuelle. Ainsi, 7 mois de pluie, dont 4 de déluge, tel est le climat du Gabon. Malgré sa position équatoriale, la chaleur n'y est pas excessive, mais elle est constante. Le thermomètre y monte rarement au-delà de 33 degrés, mais plus rarement encore, il descend au-dessous de 23. La moyenne habituelle est de 28 degrés, ce qui constitue déjà une température assez élevée, que l'humidité et surtout la tension électrique de l'air achèvent de rendre insupportable. Ces fâcheuses conditions s'exagèrent encore pendant l'hivernage. Alors le corps fatigué s'affaisse sans trouver le repos dans l'immobilité ni la réparation de ses forces dans le sommeil. L'intelligence alourdie s'endort et les appétits s'éteignent. Tristes effets, qui sont hors de proportion avec l'élévation de la température et dans lesquels il faut voir la résultante de plusieurs causes dont celle-ci n'est pas toujours la plus active. Combien de fois les voyageurs n'ont-ils pas remarqué ce défaut d'harmonie entre les indications de leur thermomètre et le sentiment de chaleur dont ils sont eux-mêmes accablés? Il est frappant au Gabon. En somme, ce climat, avec ses oscillations thermométriques qui ne dépassent pas 10 degrés, est presque uniforme. Mais il est par suite uniformément débilitant et ce caractère se retrouve dans ses maladies. Pas d'affection excessive, peu de dysenterie, peu d'insolation, mais beaucoup de fièvres pernicieuses, car le pays est très marécageux et pour tout le monde, l'anémie avec son cortège de lassitude sans cause, de douleur sans lésion et de débilité sans remède. Un pareil pays peut séduire un instant le voyageur curieux de nouveautés ou le naturaliste amateur de richesses à peine déflorées par la science. Mais l'Européen, qui n'y est pas retenu par de sérieuses obligations, ne s'y attarde pas longtemps. Il y campe, mais ne s'y établit pas, et je crois qu'il n'a aucune chance de s'y acclimater. Sans doute, quelques missionnaires l'habitent depuis longtemps, mais leur vie uniforme est quasi monastique, tout en ayant des fatigues, je ne veux pas nier, les soustrait du moins aux luttes directes contre le climat que soutiennent incessamment le marin assujetti à un pénible service où le trafiquant décide à fixer, à force d'énergie, les faveurs de la fortune. En tout cas, si l'Européen peut s'y acclimater, c'est à titre personnel. Mais sa race ne s'y implantera pas, car ce climat n'est pas fait pour la femme blanche. Celle qui braverait ici les périls de la maternité tenterait une entreprise mortelle pour elle-même peut-être, et à coup sûr, stérile pour sa race. C'est là que réside le commandant particulier placé sous l'autorité supérieure du chef d'escadre. Autour de lui sont groupés les bureaux, les magasins, les ateliers, tout ce qui constitue enfin un établissement maritime au petit pied. Près de lui vivent, sous son égide, quelques factoreries françaises, une maison d'éducation tenue par des religieuses de Castres, et enfin Libreville, village qui a été fondé en 1849 avec des Noirs du Congo, provenant d'un négrier récemment capturé. Une petite garnison de soldats noirs, empruntée au bataillon de tirailleurs sénégalais, est là pour appuyer l'autorité du commandant. Mais les indigènes songent si peu à la contester qu'il suffirait pour la faire respecter de la garnison que Bachaumont trouva jadis à Notre-Dame de la Garde, un Suisse avec sa hallebarde peint sur la porte du château. Tel est l'établissement que la France possède sur cette côte et dont la plupart de nos compatriotes ignorent même l'existence. Fondé pour servir d'appui à notre marine de guerre et pour favoriser les essais d'un commerce qui a prospéré assez bien entre les mains des Anglais, mais qui est resté dans les nôtres timide ou malheureux, ce n'est pas la faute du gouvernement si son but militaire a seul été rempli et si la protection de notre pavillon n'a guère à couvrir que des intérêts étrangers. La région gabonaise, coupée par la ligne équatoriale, correspond exactement à celle des grands lacs parcourus par Speke et Burton sur la côte orientale et d'où sortent les principales sources du Nil. Comme cette région aujourd'hui si célèbre, c'est un pays de chaleur et de grandes pluies. Quand j'y arrivais au commencement de septembre 1861, la belle saison finissait. La chaleur n'était pas excessive, elle était tempérée le soir par des brises de mer. Les nuits étaient fraîches sans humidité. C'était un état très supportable, le plus difficile pouvait s'en accommoder. Mais malheureusement, cette belle saison durait déjà depuis 3 mois, et le retour des pluies était annoncé pour le 15 septembre. Avec une singulière régularité qui ne se démentit pas pendant 3 années consécutives, elles arrivèrent à jour fixe. Fines d'abord et peu abondantes, elles durèrent jusque dans les premiers jours de janvier.